assombrir ton ciel bleu. Au lieu de bien, c'est la tête. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix. À cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Oh, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Avec toi, nous allons énumérer la grandeur de Dieu dans ta vie, dans nos vies. Allez, on y va. Dans la difficulté, quand tout semble fini, même dans la maladie, malgré tous les ennuis, lorsqu'on t'a oublié, l'échéance est arrivée, le diagnostic est tombé, ils t'ont même condamné.